de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse en séance les étapes d'une psychanalyse, une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a l'envie d'être une souris pour se cacher dans le coin d'un cabinet de psychanalyste et comprendre enfin comment ça se passe, ce qui se dit et comment ça se dit. De savoir comment ça fait du mal et comment ça fait du bien, de savoir si ce psychanalyste est comme le mien ou s'ils sont tous pareils et si ce cabinet ressemble à celui que l'on a fréquenté. Et puis aussi, on voudrait que l'analyste avoue. Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'elle compatit? Est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'elle s'ennuie? Et surtout, surtout, est-ce qu'il nous aime? Mais d'abord, comment en est-on arrivé là? Alors pour commencer, les personnages. Des angoissés qui veulent aller mieux, des dépressifs qui cherchent une porte de sortie, des hésitants qui peinent à franchir le seuil, mais aussi des curieux, des psychanalystes, des vieux routiers ou des débutants. Ensuite, le décor, des cabinets d'analystes, sous les toits, au rez-de-chaussée, à l'hôpital, dans des cliniques, mais aussi des salles d'attente au parquet blond, des images, des tableaux, ce tapis que l'on fixe ou cette fenêtre qui donne sur la cime d'un arbre. Aujourd'hui, premier épisode, on se demande ce qui a bien pu nous amener sur ce divan. Catherine de la Rue Breton, vous avez fait une analyse. Combien de temps et depuis combien de temps vous avez arrêté? Alors, elle a duré 14 ans et j'ai arrêté en 2007, exactement. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis enseignant-chercheur en sciences du langage et je travaille à l'ESPE de Créteil, donc dans l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Et je contribue à la formation des enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire, Catherine, faire une analyse? Oui, faire une analyse, c'est tout un programme, effectivement, faire. Il y a entrer en analyse, mais je pense qu'entrer en analyse, c'est pas forcément la première fois qu'on va chez un psychanalyste, ça doit certainement commencer avant, de même que ça doit s'arrêter après l'issue ou la sortie de l'analyse. Faire une analyse. Je pense que c'est analyser des situations psychiques, qui sont difficilement analysables autrement que par ce biais-là. Une forme d'introspection un peu particulière. Et pourquoi on parle du travail? On dit qu'on va travailler telle ou telle question, tel ou tel problème. Alors j'ai l'impression que le travail est tellement au cœur de nos vies, ou en tout cas de la mienne, que ce n'est pas le terme travail que je retiendrai, mais peut-être celui d'élaboration. Et travailler, c'est peut-être cette idée-là d'une élaboration, de quelque chose de récursif, de réitéré, de toujours repris et d'enrichi. Qu'est-ce qui vous a poussé, incité à aller voir un ou une psychanalyste? Je me suis surprise moi-même, j'avais à l'époque 25-26 ans, à m'apercevoir que les valeurs que je croyais être les miennes n'étaient pas tout à fait les miennes, et ça m'a beaucoup perturbée. Alors je n'entrerai pas dans les détails de l'histoire, et quand j'ai commencé, donc j'ai demandé, j'avais beaucoup d'analystes dans mon environnement, puisque mes parents étaient psychiatres, ce qui n'est pas du tout la même chose, mais néanmoins, ils avaient des psychanalystes dans leur environnement. Donc j'ai demandé à voir l'un d'entre eux pour expliquer ce qui m'arrivait, et cette surprise d'avoir le sentiment de devoir repasser à la pierre de touche toutes mes valeurs. Et donc j'ai commencé l'analyse comme ça, et j'ai découvert que finalement l'analyse commençait généralement par une rupture, d'une forme ou d'une autre. Mon analyste dit que je fabule mon enfance, mais je le jure, j'ai eu un foyer des plus douillés sous les montagnes russes de Coney Island, côté Brooklyn. Je ne dis pas que ça n'a pas joué sur ma personnalité, je suis un peu nerveux, c'est vrai, mais vous savez, je suis un hyper-imaginatif. J'ai tendance à avoir un esprit sautillant et j'ai des problèmes pour faire la différence entre fiction et réalité. Pourquoi s'allonger sur le divan? Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Patrick Guillaumard, lors du premier rendez-vous, les patients disent pourquoi ils viennent, même si en en fait, c'est pas cette raison-là qui les pousse à venir. Et depuis, vous êtes psychanalyste depuis 46 ans. Est-ce qu'il y a des raisons que vous entendez depuis 5 ans ou 10 ans que vous n'entendiez pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans? Oui et non, mais c'est plus intéressant de considérer le oui, enfin, c'est-à-dire ce qui évolue. Il y a des impasses. Hein. Au fond, on vient voir un analyste plutôt dans une souffrance qui existe. Hein. Il faut jamais oublier que la dépression, l'angoisse, d'autres formes encore de difficultés ou de symptômes engendrent une souffrance psychique et physique. Hein. L'angoisse, ça prend au corps. Hein. Et souvent, ils viennent nous voir en attendant quelque chose, mais sans savoir ce qu'ils attendent, et avec le sentiment que probablement on n'y pourra pas plus que les autres. C'est important parce que une analyse résout beaucoup de choses, elle ne résout pas tout, mais elle transforme la nature des questions. C'est-à-dire qu'il y a des questions, des difficultés fondamentales, plus ou moins sans issue, sans solution pour l'être humain, quoi. La vie, la mort, la maladie, la souffrance, les séparations, être un homme, être une femme, avoir des parents, pas en avoir, enfin, toutes ces situations-là. Et le travail de l'analyse transforme ces difficultés en les déployant dans tous les registres de la vie psychique, bien sûr celle du passé, celle de ce que la vie psychique crée, et puis celle aussi de ce que Freud appelait la sublimation, c'est-à-dire une pensée, un développement de la vie psychique, une création, enfin le chemin de l'art, de l'écriture, ou tout simplement de la parole. Pouvoir parler de ces impasses à quelqu'un d'autre, c'est déjà leur donner un autre statut. Vous avez un exemple, Patrick Guillaumard, un exemple de cas ancien pour ne gêner personne, oui. Où un patient arrive avec une question et se rend compte que c'est pas cette question qui pose problème, mais c'en est une autre. Enfin, disons, les exemples les plus spectaculaires, hein, ce sont toujours, enfin en tout cas ce sont souvent des exemples qui ont lieu à des échecs, à des limites dans la vie, à des problèmes de corps, hein, anorexie, boulimie, qui se manifestent par des symptômes tellement identifiables qu'ils sont presque objectivables. Pourquoi on irait voir un médecin? Pourquoi on irait voir un psychanalyste? Puisque finalement, le symptôme est le même. Et le simple fait d'en parler, je prends par exemple l'anorexie, qui est assez spectaculaire, qui peut être dramatique, qui est assez invalidant, enfin qui est un des maux d'aujourd'hui, une des souffrances d'aujourd'hui. Bah, c'est sûr que d'en parler en analyse transforme complètement cette question dans la question en général des relations entre une mère et une fille à son propre corps. Mais qu'est-ce que c'est que le corps? Le corps, donc, c'est la sexualité, l'adolescence, la violence de la différence sexuelle, violence de la sexualité masculine, violence aussi du corps à corps féminin, etc. Donc la question change, sinon de nature, du moins complètement de terrain. Ça c'est très très très fréquent. Et c'est là que l'analyse commence. Hein. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève. Tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai Corinne Ehrenberg, quelqu'un qui passe le premier rendez-vous à pleurer, ça arrive? Oui. Oui, ça arrive. C'est un peu difficile, mais ça arrive. Là, j'ai pas véritablement d'exemple à vous donner. Si, j'ai peut-être un exemple d'une femme qui est venue sur les conseils d'une de ses amies qui avait fait des entretiens préliminaires avec moi, mais qui n'avait pas donné suite. et qui s'est présentée comme réussissant absolument tout. Elle était ravissante, elle avait une vie professionnelle accomplie, elle était extrêmement heureuse en couple et en famille, mais elle venait parce que elle avait de manière assez répétitive des conduites et des comportements qui représentaient des prises de risques terribles, risque de détruire tout ce qu'elle avait construit et dont elle était extrêmement contente. Et en me le racontant, elle a commencé à trouver ça extrêmement bizarre, ses comportements et ses conduites à la fois dont elle, enfin, qu'elle ne pouvait pas empêcher et en même temps qui se répétaient et qui allaient de manière assez croissante dans le risque de plus en plus important de tout mettre à mal. Bah ça, je trouve que c'est plutôt une bonne façon d'entamer cette démarche. Parce que souvent, les gens font la démarche, mais ils n'ont pas véritablement de demande. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup dilués dans la catégorie psy, PSY, sans véritablement de singularité. Il y a quand même une offre incroyablement diverse qui a explosé. Donc les gens prennent leur courage à deux mains, appellent un psy et on a affaire à des demandes extrêmement confuses qui sont des espèces d'appels à l'aide, demandes d'être accompagné, de partager son chagrin. Pas grand chose à voir avec la psychanalyse. Donc peut-être s'il y a quelque chose d'un peu nouveau, c'est de prendre du temps dans les entretiens préliminaires, les bien nommés, pour donner une forme cette espèce de démarche un peu confuse. Kamel, vous êtes médecin généraliste. Les troubles psychosomatiques, vous en voyez souvent ? Oui, très fréquemment. Après, je ne serais pas capable de donner une proportion de ce qui est psychosomatique dans ma pratique quotidienne, mais à la louche, il est évident que ça occupe à peu près entre 30 et 50% de l'ensemble de mes consultations. Ça va du plus classique, le stress qui s'exprime par des maux de ventre, de gorge, de tête, des nausées. Après, le propre de mon exercice, c'est justement de faire la part des choses entre ce qui a un substrat organique et ce qui est beaucoup plus lié au fonctionnement de la psyché et de l'angoisse fondamentale, tout en sachant que quand même, les gens angoissés fondamentalement vont développer de vraies maladies organiques. Bon, voilà, c'est ça le challenge quotidien. C'est quoi les grands classiques des maux psychosomatiques ? Alors, je crois que quand même ce qu'il y a de plus fréquent, mais ça c'est dans l'exercice de la médecine, c'est tout ce qui est douleur mal définie. Enfin la plus classique quand même c'est l'ulcère de stress, hein. C'est un véritable ulcère mais qui n'est causé que par un stress majeur. Je dis ça parce que j'exerce en milieu urbain à Paris et qu'à l'évidence, c'est une ville dans laquelle le mal-vivre au travail est le symptôme le plus dominant. Donc le plus fréquent, plus souvent même que la migraine, c'est tous les troubles digestifs, gastriques, voilà. Sarah Contout-Terkem, vous êtes analyste depuis combien de temps ? Depuis 6 ans. Et c'était au terme d'une analyse de combien d'années ? C'était en cours d'analyse depuis 10 ans. Est-ce que c'est pour devenir analyste que vous avez fait une analyse ? Au départ, pas du tout. Au départ, pas du tout. C'était pour des raisons complètement personnelles. Et qui se sont progressivement complétées par l'idée, le besoin, le désir. C'est un petit peu vague comme contour de devenir moi-même psychanalyste. Donc dans les 10 ans, il y a des années de formation ou c'est... Il y a eu au bout d'un moment des années de formation. Au bout d'un certain moment, parce qu'au départ, c'était pas ma formation d'origine, c'est un transfert. C'est Freud, il insiste très souvent sur ces deux grands, comme deux grands domaines de l'existence, de la vie, aimer et travailler. Presque comme deux exemples princeps, comme ça, des endroits où, justement, en réélaborant, grâce à la cure analytique, ce qui s'était à un moment donné figé, comme une espèce de glaciation, comme ça, peut se redéplacer. Et les deux grands domaines qu'il cite souvent, c'est effectivement l'amour et le travail. En même temps, l'amour et le travail, c'est pas mal déjà. Je crois qu'il faut pas, perdre de vue le cœur battant et presque l'essence des raisons pour lesquelles à la fois on va voir un psychanalyste et pour lesquelles un psychanalyste reçoit un patient, et que quand même le fait de remettre en route et de se remettre en route, que ce soit en amour ou dans le travail, que c'est l'un des deux ou ces deux thèmes-là aient été mis sur le devant de la scène parce que tel symptôme se situait objectivement et explicitement à cet endroit-là ou pas, quand l'un des deux domaines ou les deux est remis en route, c'est quand même un grand plaisir, une grande satisfaction, et à la fois pour le patient et le psychanalyste. Donc oui, ça arrive, soit que ça arrive heureusement, parfois pas, mais ça arrive parfois heureusement, soit que le psychanalyste ait constaté que ce soit un thème objectif et flagrant, un symptôme par exemple flagrant de la vie de ce patient-là, soit que ce soit plus diffus ou plus secret ou plus souterrain. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même les deux domaines de l'existence qui résument assez bien ce qu'on peut remettre en route dans la vie. Et c'est pas possible un patient qui travaille beaucoup et bien mais qui va très mal? Ah bah si, c'est très très possible. Simplement, qui va très mal, à quel endroit? On peut avoir une existence, d'ailleurs ça arrive bien souvent, on peut avoir une existence tout à fait parfaite, du point de vue formel, en se disant, mais voilà, j'ai une jolie femme, des beaux enfants, un métier finalement, correct, mais ça va pas. Ou l'inverse. Je regarde mon plafond chez moi, mais ça va bien. Nouveau sur le dos, éveillé mais pas trop, à compter mes conquêtes, les attentions que je prête. Ça serait mal une escale, j'ai pas la tête au bal. Ça serait mal une escale, en couleur même, en pâle. Non, je trouve pas le pôle qui convient. Je trouve pas le pull qui me va bien. Je trouve pas le pôle qui convient. Didier Pourquerie, vous êtes journaliste, vous avez 62 ans. Vous êtes. Alors peut-être vous pouvez continuer à ma place le portrait, parce que votre autoportrait, vous êtes passé dans beaucoup de rédactions. Ça vous fait peur, c'est ça? En 35 ans, je suis passé dans pas mal de rédactions, mais j'ai travaillé essentiellement à Libé, où j'ai commencé, et au Monde, où j'ai terminé. Comme directeur adjoint de la rédaction il y a quelques temps. J'ai quitté Le Monde en 2014 et là j'ai créé un site internet qui s'appelle The Conversation. Mais entre temps j'ai travaillé en effet dans beaucoup de journaux différents. En général je change tous les 4 ans et puis voilà, je suis revenu à Libé en 2007, je suis revenu au Monde en 2009, donc je fais des allers-retours. Parce que, non pas parce que je m'ennuie, mais parce que j'aime bien les nouvelles aventures. Pourquoi êtes-vous allé voir un ou une psychanalyste? Une psychanalyste, c'est tombé comme ça. Vous savez, c'est assez compliqué de déterminer le moment où. En ce qui me concerne, il est apparu assez clairement qu'après la mort de ma fille Agathe, le 10 août 2007, même si au départ je me suis tout de suite remis au travail, il est apparu assez vite que je ne pouvais pas tenir comme ça, c'est-à-dire que j'étais en train de m'enfoncer dans une sorte de dépression active. C'était étrange ça, hein. Ouais, une dépression dans laquelle on est hyperactif et puis de temps en temps on s'effondre. Quand de temps en temps, c'est tous les soirs, à un moment donné, on se dit, selon l'expression consacrée, il faut que je me fasse aider. Par quelqu'un. Par quelqu'un. Mais en fait, en l'occurrence, c'était pas tellement ça, parce que quelqu'un, je connaissais pas. Le premier élément compliqué, quand il y a le désir de travail analytique, disons, appelons ça comme ça. Dans mon cas, c'était une nécessité. Après, il faut trouver quelqu'un. Le quelqu'un en question, il faut le trouver. Donc comment vous le trouvez? Vous allez vous renseigner autour de vous et vous demandez à quelqu'un de confiance qui connaît un bon analyste ou un bon psy en général, c'est ce que j'ai fait, de demander des noms et des adresses. Voilà. Il se trouve que la première personne sur laquelle je suis tombé était la bonne. Je l'ai senti tout de suite, c'est-à-dire que j'ai senti que c'est une dame qui est un peu plus âgée que moi, avec laquelle je me suis tout de suite entendu. C'est intéressant d'ailleurs. Je me suis entendu. D'ailleurs, je me suis entendu parler, mais je me suis bien entendu avec elle aussi. Et donc là, le travail a commencé très vite, en fait. C'est-à-dire qu'en novembre, le 4 novembre 2007, j'ai eu ma première séance. Elle avait un cabinet comment ? Le cabinet, c'était au dernier étage d'un immeuble qui était pas très loin de là où je travaillais, c'est-à-dire pas très loin de Libération. C'était pratique. Le cabinet, c'est un endroit sous les toits, assez confortable, avec un fauteuil club pour elle, un fauteuil club pour le patient, et aussi un divan. Au début, j'étais en face à face. Et puis un jour, j'ai ressenti l'envie de me poser sur le divan, c'est-à-dire de lui tourner le dos. Et le lieu est un lieu blanc, avec pas mal de livres, mais des livres, pas de livres de psychanalyse, des livres assez joyeux, des livres de voyage, des livres comme ça. Parce que quand on est en analyse longtemps, on a le temps de détailler le lieu. Blanc, avec une petite fenêtre qui donne sur les toits. Mais même si je suis girondin, je suis parisien depuis 1972, et j'adore ma ville, j'adore Paris. Et j'aime les toits de Paris, j'aime le gris des toits, etc. Et donc voir le gris des toits de Paris depuis la fenêtre, c'était un élément de décor non négligeable. La parole pouvait s'envoler au-dessus des toits aussi. De l'analyse elle-même, peut-être rendue prudent par mes ruses oniriques, je ne transcrivais rien ou presque rien. Un signe sur mon agenda, l'initiale de l'analyste, marquait le jour et l'heure de la séance. Sur mon journal, j'écrivais seulement « séance », parfois suivi d'un adjectif généralement pessimiste. Morne, terne, filandreuse, pas folichonne, chiante, merdeuse, plutôt tarte, plutôt merdique, déprimante, dérisoire, anodine, nostalgieuse, débile et délébile, etc. De ce lieu souterrain, je n'ai rien à dire. Je sais qu'il eut lieu et que désormais, la trace en est inscrite en moi et dans les textes que j'écris. Il dura le temps que mon histoire se rassemble. Elle me fut donnée un jour, avec surprise, avec émerveillement, avec violence, comme un souvenir restitué dans son espace, comme un geste, une chaleur retrouvée. Ce jour-là, l'analyste entendit ce que j'avais à lui dire, ce que pendant 4 ans, il avait écouté sans l'entendre, pour cette simple raison que je ne lui disais pas, que je ne me le disais pas. Georges Perec, Les lieux d'une ruse, dans Pensées classées. Pas d'enfance, Georges Perec, pas de maison, parce que votre père, vous l'avez perdu, vous étiez très jeune, vous êtes né en 36, votre père est mort en 40, vous aviez 4 ans. Votre mère est partie pour Auschwitz et elle n'est pas revenue. Et en 45, vous aviez 9 ans et vous vouliez exister. C'est bien cela? J'existais déjà, mais je veux dire, c'était une vie sans attache, sans racine. Sans racine. Et il n'y avait pas de point d'ancrage. Il n'y avait pas de choses qui m'attachaient. Enfin, je veux dire, je sais que le genre de choses auxquelles je rêvais, c'était de faire mes devoirs à une table familiale avec une toile cirée, avec le père, la mère et la lampe. Je veux dire, j'ai mis longtemps à accepter cette situation, enfin, d'une certaine manière... Cette solitude. Je sais pas... Vous étiez seul ou pas? Non, j'avais une sœur, enfin, presque une sœur, j'avais une cousine. Enfin, ma tante avait 2 filles, et dont une a vécu assez peu à Paris, mais l'autre était à quelques années de plus que moi et m'a énormément... Enfin, je me sentais extrêmement proche d'elle, et ensuite je me suis senti extrêmement proche de ma tante aussi. Mais il fallait que je me construise, disons... Un monde. Un monde. Ouais. Une maison. Enfin, quelque chose qui me rattache à ma propre histoire. Le problème, d'une certaine manière, c'était de retrouver la douleur que j'aurais eue, qui m'avait été dérobée, parce que finalement, quand mon père est mort, j'étais trop petit pour m'en rendre compte. Quand ma mère est morte, je ne l'ai pas su. C'était en 43, j'étais dans les Alpes. Mm. Et il a fallu que, je sais pas, que je les enterre. Così, o non così, decisamente interessante, ma è così, o non così, mi incuriosisce il modo che ha di dar del tu. Ai miei pensieri né discrezione ha neanche virtù. Così o non così. Vous pouvez décrire, Christophe Paradas, votre cabinet, parce qu'il est très particulier de tous ceux que nous avons vus. C'est le plus personnalisé. C'est à la fois difficile de répondre à la question parce que par discrétion aussi, oui. Et par respect de qui vient ici et du lieu lui-même qui est un et puis aussi parce qu'évidemment il traduit quelque chose de personnel mais qui est inspiré par plusieurs sources aussi et en particulier évidemment la figure de Freud qui pour moi est assez assez centrale et assez fondamentale et qui a proposé très très vite, et ce en quoi j'ai adhéré dans un style qui est évidemment le mien, de laisser comme ça, d'être, c'est un petit peu comme une grande bibliothèque, on peut avoir chez soi beaucoup de livres, ou pas du tout, les mettre quelque part ou ailleurs, des choses un petit peu qui proposeraient non pas quelques références, mais tout un univers dans lesquels les personnes qui viendrait dans ce lieu, c'est pour ça que je ne peux pas trop en parler. C'est très discret, en fait, vous ne l'avez pas décrit. Non, mais pourrait comme ça se projeter, s'inspirer. Il y a je peux dire qu'il y a des paravents. Il y a des paravents. Oui, il y en a souvent chez les analystes. Ah bon? Oui. Coucou, c'est moi. Ah oui, ça s'est bien passé? Oh, ça a été dantesque. Mais elle est délicieuse, cette femme. Mm-hmm. Hey, tu te rends compte, j'ai coupé au divan une séance à la verticale. Ah, ensuite, j'ai parlé de la famille, de mes sentiments à l'égard des hommes et de ma vraie relation avec mon frère. Mmh. Alors elle a parlé d'envie de pénis. Tu connais ce machin, toi? Oui, je suis même un des rares mâles qui soude ce machin. Ah. Alors tu vois, continue, tu m'intéresses. Elle a dit que je réprimais trop toutes mes pulsions vis-à-vis du mariage et des enfants. Mmh. Alors je me suis rappelé que gamine, une fois, par hasard, j'avais vu mes parents faire l'amour. Vrai? Et tout ça pendant la première séance? C'est fascinant. Moi, ça fait 15 ans et rien de tout ça. Oh, et je lui ai raconté mon dernier rêve et j'ai pleuré. Tu as pleuré? Mais moi, jamais je n'ai eu ce résultat. Mais c'est fascinant. Je me lamente. Moi, je suis assis là, Alvi, dans mon rêve, Frank Sinatra réussit à m'étouffer avec un polochon, alors je suffoque. Sinatra? Oui, en quelque sorte, il m'étrangle et tu vois. Ah oui, mais c'est normal, ça, c'est parce que c'est un chanteur et toi une chanteuse. C'est clair comme de l'eau de roche. En fait, tu cherches à t'étouffer toi-même, c'est parfaitement logique. Tiens, même moi, je suis capable de faire une analyse géniale comme ça. Et elle dit que tu t'appelles Singer, et Singer en anglais, ça veut dire chanteur. Ce qui signifie moi? Eh oui, oui, toi, parce que dans le rêve, je casse les lunettes de Sinatra. Sinatra, or, et depuis quand Sinatra a des lunettes? Ça veut dire quoi? Tu insinues donc que c'est moi qui veux t'étouffer? Oh là là, mon Dieu, dire que je lui ai fait cette chose horrible. Parce que tu sais, après, quand il chantait, il avait une voix de castrat, perché. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, alors? Eh ben, elle a dit que pour moi, le bon rythme, c'était 5 fois par semaine. Et tu vois, j'avoue que je suis pas contre l'analyse, au fond. Le seul problème dans l'histoire, c'est vais-je perdre ma femme? Perdre ta femme? Perdre ma flamme. Oui, non, d'accord, mais tu as dit perdre ma femme. Non, c'est faux, j'ai dit vais-je perdre ma flamme, Alvi. Ah, tu as dit vais-je perdre ma femme. Flamme, j'ai dit flamme. Elle a dit vais-je perdre ma femme. Vous étiez présent, vous avez entendu, je suis pas fou, non? Et puis au fait, je lui ai dit que j'étais persuadée que tu ne m'avais jamais réellement prise au sérieux. Parce que tu me trouvais trop bête pour toi. Qu'est-ce qu'il est important qu'il se passe, Christophe Aradas, entre vous et un patient dans les premiers entretiens? Non, ça commence d'ailleurs... C'est une question vraiment très intéressante. Encore une fois, on ne peut pas généraliser. Chaque nouveau patient ou chaque est tout à fait unique, mais ça commence par qui l'adresse, comment il a eu les coordonnées, de quelle manière, le coup de téléphone peut-être, etc. Les premiers regards. Il y a quelque chose aussi d'une chorégraphie qui se fait à la fois dans les mots, dans le contact, dans le regard, dans quelque chose de, que certains analystes ont appelé une chorégraphie de corporéité, quelque chose aussi qui passe dans le silence, qui passe dans quelque chose qui n'est pas dit, dans ce qu'on va ressentir aussi avec le premier contact dès la première entrée. Et puis après, évidemment, il y a la parole du patient qui, plus ou moins facilement, va commencer à se raconter dans le silence à nouveau, et dans un lieu avec des objets, des livres, ou pas, enfin, c'est comme ça qui va se développer et se dénouer, ou au contraire se nouer, et qui va prendre du temps. Donc c'est aussi plein de petits moments, de petits instants, avant, après, pendant la séance. Vous êtes en analyse depuis combien de temps? Mmh, 24 ans, avec quelques petites interruptions dues à des accidents de parcours, au décès d'un analyste quand même, ça prend un peu de temps de s'en remettre et de retrouver quelqu'un. Voilà, 24 ans. Est-ce que vous avez envie que ça s'arrête? C'est long, 24 ans. C'est long, 24 ans. Est-ce que j'ai envie que ça s'arrête? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'effectivement, je ne sais pas si j'ai envie que la psychanalyse s'arrête. J'aurais peut-être envie de ne plus éprouver le besoin d'y aller. En revanche, ça ne m'est pas pénible, même si c'est pas une balade de santé. Hein. On traverse des périodes ultra douloureuses, mais qui sont en fait des périodes consacrées à soi-même, uniquement sur soi-même. Ça n'est que la vérité de ma propre vie, donc de toute façon, je peux éprouver en séance de la douleur. Mais au bout du compte, j'éprouverais de la douleur de la même manière, même si je n'étais pas en séance, mais je n'aurais même pas d'outils pour arriver à essayer d'en sortir. Donc, est-ce que je veux que ça s'arrête? Pas fondamentalement. Qu'est-ce qui vous a incité à aller voir un ou une psychanalyste il y a 24 ans? Il y a 24 ans, j'avais 29 ans, donc bon... Je commençais depuis quelques années d'exercer mon métier. Et puis, j'étais sorti un peu de l'enfance, enfin, imaginais-je. Ce qui m'y a incité à l'époque, c'était d'essayer d'aller chercher une explication à ce qu'était ma vie, à comment je la menais et comment elle se déroulait avec des histoires qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas. Essayer de trouver un fil directeur à ma vie. Oui, voilà, fondamentalement c'était ça, essayer de trouver un fil directeur à ma vie. Clarisse Baruch, vous avez fait combien d'années d'analyse avant de devenir analyste ? Personnellement, on va dire 7 ou 8, je crois. Et vous êtes analyste depuis combien de temps ? 20 ans ? 15 ans ? Ça dépend si vous prenez en compte la période de formation ou pas. Vous travaillez dans une institution, en plus de recevoir des patients en libéral. Oui, je travaille dans une institution qui prend les patients présentant une organisation de type psychotique. En cure gratuite, psychanalytique, le plus souvent en face à face, mais aussi en psychodrame ou en... rarement en cure type, puisque ce sont des patients en général pour lesquels la cure type n'est pas la meilleure réponse à leur apporter, mais ça peut arriver dans certains cas particuliers. Est-ce qu'il y a toujours une part de séduction dans les premiers rendez-vous entre un analyste et une patiente ? Forcément. Comment voudriez-vous qu'il en soit autrement ? Toute relation humaine est une relation de séduction, quand même. En particulier, toute relation aussi investie, pré-investie avant même la première rencontre, que n'est la rencontre d'un analyste avec son patient, ou d'un patient avec son analyste, ou son futur analyste. Alors, après, dans le cours de la cure, il y a tous les phénomènes de transfert, et même avant, il y a des phénomènes de pré-transfert qui se mettent en place. Mais n'empêche que la première rencontre est toujours une rencontre très investie et où il doit y avoir quelque chose qui fit, qui colle, qui passe entre un patient et un analyste. Alors, si on n'appelle pas ça séduction, je ne sais pas très bien comment on peut l'appeler autrement. Maintenant, vous voyez bien que c'est séduction au sens large dont il s'agit. Et après, l'analyste doit s'en débarrasser de cette... Non. L'analyste se débarrasse de rien du tout. L'analyste travaille avec. Ce qui est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'au contraire, tout ce que l'analyste va percevoir, ressentir de ce qui se passe avec son patient, il doit le replacer dans la cure, d'une part, et dans le sens que ça peut avoir pour le patient, d'autre part. C'est ça l'analyse du contre-transfert. Donc on ne se débarrasse de rien. Tout est outil de perception et de compréhension. Il y a deux questions que je pose toujours à la fin d'un premier entretien. C'est un premier souvenir d'enfance et un rêve. Il arrive que la personne que vous avez en face de vous soit incapable de... Bien sûr. C'est un élément très important à prendre en compte. De toute façon, quelle que soit la réponse, même si c'est, je ne sais pas, non, rien, je ne rêve jamais, c'est un élément extrêmement important. Clarisse Baruch, est-ce qu'il y a des états qui sont toujours les mêmes par lesquels passe un analysant ? Pour moi, non. Pour moi, il n'y a pas d'état toujours les mêmes. En tout cas, il n'y a pas d'ordre chronologique. Ça, c'est sûr. Il est fréquent qu'il y ait des passages dépressifs importants dans une analyse, et que ce soit plutôt de bon aloi. Il est fréquent qu'il y ait des améliorations, quand même, tant qu'à faire. C'est quand même aussi... Alors là aussi, ça fait référence à un certain nombre d'analystes qui disaient que Il faut surtout pas vouloir. Alors c'est sûr qu'il faut pas vouloir d'amélioration du patient, parce que si on, de toute façon, on prend ce qui vient et le patient aussi. Mais bon, enfin, ceci dit, c'est quand même le but, c'est d'aller mieux. Hein, il faut quand même pas se voiler la face. Donc heureusement, ça arrive souvent. Mais il n'y a pas de, non, il y a rien de récurrent absolument. Il me semble. Pour moi. Bien. Merci encore. Oh, de rien, de rien. En fait, dites, ça vous dirait de monter un moment? On prendrait un verre de vin, je sais pas. Oh non, c'est... Ah, vous savez, vous n'êtes pas forcé, vous êtes probablement déjà en retard. Non, non, non, c'est avec plaisir, c'est je suis pour. Non, sûr. Ah, sûr. Non, non, j'ai rien à faire. Okay. Je n'ai rien. Rien jusqu'à mon rendez-vous chez mon analyste. Ah, vous faites analyser? Oui, oui, mais seulement depuis 15 ans. Depuis 15 ans? Oui, mais je lui donne encore un an et puis je file à Lourdes. Depuis 15 ans, quand même. Sophie Chauveau, vous êtes écrivain, essayiste, et vous avez fait une analyse. Pourquoi? Alle prese, non aver de milongue. Alors, je suis allée en analyse pour pas mourir. Et réellement, quand j'y suis allée, c'était dans un grand état d'urgence. Je pense que je serais morte si j'étais pas allée. Donc ça, c'est une donnée de base. Après, des années plus tard, quand j'ai survécu avec un double pensée, la première, c'est heureusement qu'il y avait l'analyse pour me sauver. La deuxième, c'est je suis contente d'avoir fait une si grave dépression parce que c'est drôlement intéressant cette affaire. Et je me suis dit, bon, ça va pas durer éternellement. Alors c'est vrai qu'au bout de 5-6 ans, on pourrait arrêter. Puis là, c'est vrai quelque chose de l'ordre de la curiosité personnelle. Une vraie curiosité profonde qui n'était pas narcissique, qui n'était pas de me connaître mieux, parce que je fais le tour, je crois, déjà. Et puis, j'ai continué. Puis, ma psy a disparu, ce qui fait partie des choses. On n'en parle jamais assez, mais la disparition d'un psy en cours de traitement, c'est de cure ou de travail, je ne sais pas comment on dit, c'est une drôle de chose. Et puis, de longues années après, j'ai recommencé, comme on dit, des tranches. Oui. Et là, c'est vraiment un besoin de soutien, d'aide, pour continuer à vivre, mais dans des moments où ça ne va pas aussi mal que ça. Et la première analyste, pourquoi vous avez eu le sentiment que ça collait entre elle et vous? C'est surtout le sentiment qu'elle m'a donné. D'abord, j'étais allée la voir un an avant que ça craque, pas pour moi. J'étais allée la voir pour qu'elle m'aide à aider ma fille. Ça avait marché, donc je l'avais revue parce qu'on avait pris un deuxième rendez-vous. Puis je ne l'ai plus vue. Puis quand je suis tombée malade, alors je suis tombée très malade, puis j'ai d'abord eu un cancer. Donc le cancer, c'est bien, mais... Enfin, c'est bien. C'est pris en charge par des tas d'équipes médicales, thérapeutiques, jusqu'au moment où quelqu'un a dit « ça serait quand même bien que vous fassiez aider ». Oh, pourquoi pas? Vous connaissez quelqu'un? Sinon, je connais quelqu'un qui va pouvoir m'aiguiller. Et c'est là que je suis allée voir cette femme pédopsychiatre, dont je savais qu'elle était aussi psychanalyste, mais freudienne, assez orthodoxe. En fait, pas du tout orthodoxe, mais je le croyais. Et je vais la voir. Et elle me pose une question à un moment donné. Je suis tombée dans les pommes. Et elle dit que j'ai parlé et j'ai aucune raison de ne pas la croire. Et quand je suis revenue à moi, elle m'a dit bah, écoutez, il va falloir que maintenant vous retrouviez de façon très consciente ce que vous avez dit. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Et finalement, elle ne m'a jamais envoyé voir personne. Je suis restée avec elle et j'étais vraiment contente que ce soit elle. Vous avez retrouvé, Sophie Chauveau, ce que vous aviez dit en tombant dans les pommes? Oui. Pour moi, ça n'était pas dans la conscience à ce moment-là. C'était fortement même effacé, enfin escamoté. C'était l'inceste. C'était l'inceste. C'était le climat incestuel, c'était l'irrespect, c'était la honte, c'était la souillure, c'était... J'avais un gros bœuf sur la langue, comme disent les Grecs. Ah, io sono qui. Sono venuto a suonare. Sono venuto a danzare. E di nascosto ad amare. Au fond, le scandale de la psychanalyse, le scandale freudien et un scandale qui continue d'être extrêmement déroutant aujourd'hui, c'est que contrairement à ce qu'on imagine, les êtres humains ne veulent pas nécessairement et toujours être heureux. Oui, ça peut être un vœu manifeste, un souhait manifeste, mais il y a quand même une forte tendance à continuer de souffrir, tout simplement parce qu'il y a des organisations de la sexualité infantile autour du masochisme, par exemple, qui occupe une place très importante, et donc pas de changement, quoi. Il ne faut pas arrêter de souffrir, parce que les désirs sont source de très forte culpabilité, et que si on souffre, on paye. Enfin, c'est un peu vite dit, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Un des bastions de la psychanalyse, c'est l'analyse du masochisme. C'est qu'est-ce qui fait que, justement, il y a des résistances au changement. C'est pourquoi est-ce que la culpabilité est tellement importante, pourquoi est-ce que avoir du plaisir dans la vie, c'est une source de souffrance tellement récurrente. Donc c'est ça aussi, c'est puisque au fond le masochisme, c'est quand même le système de fonctionnement qui est susceptible de déterminer les entraves au plaisir extrêmement importantes. Même si y a des bénéfices inconscients à souffrir et à être extrêmement malheureux, justement, enfin, c'est comment dire cette question des entraves à admettre de réaliser des désirs et d'en avoir du plaisir, et c'est un des enjeux majeurs de la psychanalyse, c'est le levier de la cure, quoi. Catherine Chabert, de quoi souffrait Marie Cardinal? Moi, j'ai lu son livre quand il est sorti. À ce moment-là. J'étais pas en analyse, je crois que je vais avoir 20 ans quand j'ai lu son livre. C'était une femme dont on pouvait dire qu'elle était névrosée, avec des mécanismes de refoulement très importants concernant sa sexualité infantile, ses relations avec sa mère, avec son père. Alors, ce dont je me souviens, c'est que je crois qu'elle était à la fois très angoissée et très déprimée, et puis qu'elle avait, elle avait un symptôme somatique important, mais très ciblé, quoi, parce que c'était un symptôme gynécologique. Moi, je ne veux pas faire un diagnostic, mais je pense, oui, que c'était une femme qui souffrait de ce qu'on appelle de troubles névrotiques, qui à certains moments sont devenus invalidants pour sa vie. Et bon, le récit qu'elle fait de son analyse est formidable, parce que, enfin, pour le souvenir que j'en ai, encore une fois, parce que c'est un exemple assez typique de ce qui est susceptible de se passer dans l'analyse d'un névrosé, c'est-à-dire que d'abord elle est très engagée transférentiellement, elle a une passion amoureuse pour son analyste, qui est une répétition probablement de son amour oedipien. Et puis, y a des souvenirs qui viennent, quoi. Et les souvenirs, c'est vraiment... C'est une cure, enfin, c'est un récit qui est un témoignage absolument formidable au service de la théorie et de la méthode freudienne. C'est-à-dire, le refoulement est levé, les souvenirs arrivent, et elle va beaucoup mieux, ce qui était quand même les premières constructions, les premières conceptions de la méthode de Freud, quoi. Enfin, j'avais, ça s'appelle somatiser, qui est un mot que j'ai pas employé, mais j'avais transporté le désarroi de ma pensée dans mon corps, et je perdais complètement mon sang. Pendant 3 ans, je n'ai cessé de perdre mon sang, puis je suis devenue aveugle aussi par période, et enfin s'est greffée l'hallucination, ce qui était un symptôme très grave, à savoir que j'avais une vision, je voyais un œil qui ne cessait de me surveiller. C'était la fin, la mort dans les vers, dans la souffrance, dans l'horreur, dans la décomposition que je vivais, que je sentais. Et c'était épouvantable. Pourquoi une telle punition? Pourquoi un tel but à toute une existence? Mais vos enfants s'étaient aperçus de... Non, ils étaient très petits. Et j'avais très peur qu'ils s'en rendent compte. Y avait trois enfants. Oui, il y avait un côté sain en moi qui faisait instinctivement, car je ne l'ai jamais dit ni exprimé, qui faisait que je ne voulais pas qu'ils me voient dans cet état-là, ni même qu'ils le soupçonnent. Ils étaient très petits, c'était facile à faire, parce qu'il y a des médicaments qui calment l'angoisse nerveuse, qui calment ça, et qui font qu'on est complètement abruti. Alors je les voyais au fond dans une espèce d'abrutissement, de calme comme ça, et puis dès que je sentais que la crise revenait, ben... je repartais me cacher, mais j'organisais toutes mes journées en fonction de ces allers-retours de la maladie. Si vous mais voulez. À quel moment avez-vous compris qu'il fallait aller chez un psychanalyste? Quelqu'un vous y a poussé? Non, à la clinique. J'étais à la clinique et je me suis rendu compte, c'était certainement des neuroleptiques qu'on me faisait prendre, que j'étais complètement abrutie, j'avais terriblement mal derrière la tête, et je me suis rendu compte que j'allais entrer tranquillement dans cet abrutissement, que j'allais devenir quelqu'un donc avec qui on allait pouvoir vivre, parler, mais absolument comme si j'étais un meuble, et que c'était fini. J'avais 29, 30 ans, et j'ai une bonne santé au départ. Je me suis dit, j'en ai pour 40, 50 ans là-dedans, enfin, comme ça, et uniquement avec des médicaments, pas par moi-même. Enfin, votre vie aurait été quand même un itinéraire tout à fait particulier, parce qu'on peut considérer qu'il y a eu une mort, c'est le moment où vous avez cru que vous deveniez folle, oui. Et puis il y a deux naissances. La naissance, la première, c'est celle que vous a donnée le psychanalyste lorsqu'il vous a fait vous découvrir, puis la deuxième, c'est à partir du moment où vous avez écrit votre livre, oui, parce que vous êtes déshabillée. Je me suis mise à écrire, ah oui, là, c'est pas pareil, mais mon premier livre, je l'ai écrit au bout de 2 ans d'analyse, si vous voulez, alors que je n'avais jamais écrit une ligne avant, que je n'aimais que les mathématiques et que la rigueur et la logique mathématique. Et c'est au bout de la deuxième année d'analyse que, en cachette, honteusement, j'écrivais des pages que je mettais dans des pages d'un carnet que je me cachais sous mon lit. Et un jour, mon mari a vu ces pages et m'a dit, mais c'est un beau livre. Et votre mari était professeur, je crois. Mon mari était agrégé de grammaire, il était professeur, il était parti parce qu'il ne supportait plus, évidemment. C'est très dur de supporter les gens qui ont cette maladie. Il ne vous a pas supporté? Ah non, pas du tout. Il vous a quitté? Il m'a quitté, et on avait 26, 27 ans tous les deux. Il vous a quitté et vous avez gardé vos 3 enfants? Oui. Il est parti ailleurs. C'est-à-dire, les gens ne croient pas. Parce que, vous comprenez, les gens croient que les fous passent leur temps à pousser des cris et des trucs comme ça, mais pas du tout. Ou bien qu'ils sont complètement... Les fous vivent dans une vague constante. Alors, pendant 3-4 jours, on est vraiment fou, si vous voulez. Et puis, après ça, ben, on va mieux, on est normal. Alors, les gens, ils finissent par se fatiguer. Vous comprenez, ça use leur patience. Ils vous voient un jour, vous êtes bien, en pleine forme, vous rigolez, tout le monde s'amuse avec vous, vous avez l'air particulièrement brillante, équilibrée. Le lendemain, vous êtes une loque. Alors, pendant quelques temps, quelques semaines, quelques mois, ça va. Mais pour quelqu'un de très jeune, ce qui était le cas de mon mari, vous comprenez, avoir cette espèce de loque humaine à côté de lui comme ça, ça n'était pas supportable. Surtout que ça s'aggravait de plus en plus. Mais vous lui en voulez, votre mari, d'être parti? Mais non, bien sûr que non. Vous avez eu l'occasion de le revoir après la publication de ce livre? Avec Kamel, médecin urgentiste, Catherine Delarue-Breton, enseignante, Sophie Chauveau, essayiste, Didier Pourquerie, journaliste, et les psychanalystes Corinne Ehrenberg, Catherine Chabert, Patrick Guillaumard, Clarisse Baruch, Sarah Contout-Erkem et Christophe Paradas. Demain, on nous dira demain. Extrait du film de Woody Allen, Annie Hall, et de l'émission Radioscopie de Jacques Chancel avec Marie Cardinal, 1975. Recherche China, Marine Decamp. Prise de son, Olivia Branger, Laurent Lucas et Étienne Leroy. Mixage, Manuel Couturier. Attaché d'émission, Christine Bernard, Alison Sinard et Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Carvran. Demain, en demain s'éternise. Demain, décourage aujourd'hui. En séance, pourquoi s'allonger sur le divan? Virginie Bloch-Léné, Clotilde Pivin. Demain, deuxième volet, choisir son analyste.